Les petites histoires de Tell Me. Une moitié d'Indien. Je pourrais vous dire que je m'appelle Billy et que je vis au Far West avec Mr. et Mrs. Fox qui m'élèvent en l'absence de mon papa. Je pourrais vous parler de mon papy qui était shérif, de ma pouliche Tornade avec qui je vis de folles aventures, mais je préfère vous parler cette fois d'un drôle de garçon. Son nom à lui, c'est Tekoa, et c'est le nouvel élève de l'école. Ce garçon-là, il n'est pas tout à fait comme nous. Il a les cheveux plus noirs qu'un corbeau sous le ciel d'une nuit sans lune, et sa peau est de la couleur de la grosse casserole en cuivre de Mrs. Fox. Il paraît que Tekoa est à moitié indien. Avec Laura, Fred, John et le petit Peter, mes copains de la bande, on s'interroge pendant la récré. On comprend pas ce que ça veut dire une moitié d'indien. C'est un indien coupé en deux ? Non, ça veut dire qu'il fait la moitié de la taille habituelle. C'est possible, les récits sur les indiens parlent toujours de grands guerriers, alors que lui, il est pas plus haut que nous. Enfin, en étant honnête, Tekoa est plus grand que le petit Peter, bien sûr. Mais ça compte pas vraiment, puisque, comme son surnom l'indique, Peter est vraiment tout petit. Bref, on s'interroge à la récré, tandis que Tekoa est tout seul à l'autre bout de la cour, à regarder voler les oiseaux. Lorsque cet après-midi, notre maîtresse demande à Tekoa de lire un extrait de notre livre d'anglais, il ne le fait pas. Il reste silencieux à regarder Mrs. Gillin dans les yeux. Elle se dit qu'il n'a pas dû l'entendre, alors elle lui redemande d'ouvrir son livre et de faire la lecture à voix haute. On se retourne tous vers lui pour l'observer et il secoue la tête pour dire non. Ça nous fait tous rire bruyamment et visiblement ce comportement déplaît beaucoup à notre institutrice. À ce moment-là, on fait tellement de bruit que même Lovelace sort de sa sieste du fond de la classe. Mrs. Gillin rouspète dans une barbe qu'elle n'a pas tout à fait et punit Tekoa. Au coin. À la récré de l'après-midi, on ne parle que de lui, le demi-indien qui est insolent avec la maîtresse. John nous fait une confidence. « Toute façon, les indiens sont des sauvages. On m'a dit qu'ils coupent les cheveux de leurs adversaires quand ils gagnent. On appelle ça des scalps. »« Mais c'est horrible. Ça veut dire qu'ils forcent les gens à avoir des coupes de cheveux toutes moches ?» demande le petit Peter horrifié. « Ils font ça seulement avec leurs ennemis. Mais oui, ce sont des genres de coiffeurs sauvages !» réplique John, pensif. « Moi, j'ai entendu dire qu'en dansant, ils peuvent faire tomber la pluie !» poursuit Laura. « Waouh ! Moi, quand je danse, je réussis juste à me faire tomber tout seul !» déclare Fred, admiratif. Pendant que les copains se montent le bourrichon à propos des indiens coiffeurs et danseurs, moi j'observe Tekoa. Il a l'air d'avoir l'esprit ailleurs à fixer le ciel. Il m'intrigue. Avant de m'élever, Mr. et Mrs. Fox ont beaucoup voyagé dans le Grand Ouest américain. Ils ont vécu plus d'aventures que le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Je le sais, parce que le vieux Dick me les raconte à la nuit tombée, depuis que je suis minot avant de m'endormir. Ce soir, je lui parle de Tekoa, et il m'explique que par hasard, il a rencontré son père au saloon aujourd'hui, un certain Kincaid. Il vient d'un pays très lointain qui s'appelle l'Écosse, et il est tombé amoureux d'une indienne Cherokee. Apparemment, la tribu n'a pas accepté leur amour, et ils ont dû vivre ailleurs. Le problème, c'est que, où qu'ils aillent, on ne veut pas d'eux. Les Indiens acceptent mal la présence d'un colon écossais et les colons méprisent totalement les peaux rouges, comme ils les appellent. Je me demande pourquoi c'est si difficile pour les gens d'accepter la différence. Le vieux Dick éclate de rire et me répond que les hommes sont toujours obsédés par les 2% qui les séparent. Je suis pas super fortiche en maths, mais à ce moment-là, je me dis que les gens feraient mieux de s'occuper des 98% qui les rassemblent. Ouais. Ce matin, je suis dans la cour de récré à observer Tekoa qui se fait embêter par d'autres élèves. Lovelace persifle. Hé, toi, t'es pas blanc et t'es pas non plus un vrai peau rouge. Alors t'es quoi ? Hein ? T'es quoi ? D'autres enfants, les plus bêtes de l'école, se moquent en répétant « T'es quoi ? À ce moment-là, à voir mon camarade se faire ainsi insulter, je me sens concerné. À travers lui, c'est un peu moi lorsqu'on me traite d'orphelin. C'est un peu Laura lorsqu'elle se fait traiter de sale fille. C'est un petit peu Peter lorsque de grands imbéciles le traitent de petit nain. Alors, plus vif qu'un bison qui aurait posé ses fesses sur un cactus, je me pose devant eux et surtout devant le grand Lovelace. Je leur crie que s'ils continuent à l'embêter, ils vont avoir affaire au kid. Ça suffit à faire reculer quelques imbéciles, mais Loveless, lui, ne se laisse pas impressionner. Ah ouais? Et vous êtes combien dans tes chaussures pour espérer me faire peur? Et boum! Avant que je puisse réagir, la grande saucisse me colle un coup de poing dans l'œil. J'ai beau être à terre avec une grande douleur, je ne me laisse pas impressionner pour autant. Et alors que Loveless s'apprête à me donner un coup de pied, Tekoa lui attrape la jambe et le fait tomber. À ce moment-là, Laura et les copains se jettent eux aussi à corps perdu dans la bagarre. « Tayo sur le haricot !» s'écrie Laura. À la regarder mordre la jambe de Loveless et en entendant ce dernier hurler sa douleur, je me dis que le surnom de ma chef de bande lui va comme un gant. Laura Martha Jane, la calamité des bandits. On est tous bien amochés, mais la récré se termine avec une victoire collective. Ce soir-là, je suis sur le trottoir devant l'épicerie. Je suis pensif, occupé à regarder le coucher de soleil. Laura a été punie par son père pour s'être battue, et j'ai pas le droit de la voir. Mon œil me fait un mal de coyote et il est tout gonflé. Soudain, sans que je l'ai vu approcher, Tekoa se tient devant moi. « Merci, kid, pour ce matin. T'as pris de sacrés risques pour moi. » C'est la première fois que je le vois sourire. Il a le sourire d'un garçon sur qui on peut compter. Il a le sourire d'un compagnon à qui je pourrais parler de mon cheval sauvage, de mon père parti loin, et de ma mère encore plus. Il a aussi le visage d'un garçon qui a bien des choses à raconter. Bref, il a le visage d'un copain. Il s'assoit à mes côtés. On parle de Mrs. Gillin qui lui a demandé de lire le livre d'anglais devant toute la classe et son refus qui a suivi. J'apprends qu'il ne voulait pas être impertinent. C'est juste qu'il ne sait pas lire et n'a pas osé le dire. « Pas grave, je t'apprendrai. » Tekoa sourit à nouveau reconnaissant. « Quand je te vois avec ta blessure à l'œil, je me dis que t'es plus qu'un ami. » C'est-à-dire, tendant le doigt vers mon visage, le jeune Indien rit de bon cœur. « Avec ta blessure comme ça, c'est comme si t'étais de ma famille. J'ai peut-être en partie la peau rouge, mais toi, tu as le contour de l'œil qui va avec. » Je souris à mon tour, car je comprends que grâce à mes actions, mes choix et leurs conséquences, j'ai gagné plus qu'un ami. J'ai gagné un frère. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Loïc Clément et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.